On n'a pas le droit de dire ça. En fait, Scurf, ouais. On est des enfs. En fait, d'un tour d'enfoiré. J'ai plus la voix, je suis garé. Pourtant, je suis préparé. Un cataré qui me salève comme au tarot. Quand j'allège, c'est que t'es un vrai. Les faux, je laisse sur le carreau. Je mets des KO, je pousse des cailloux pour la liasse monnaie. J'ai pas la tasse, tu connais. Mais j'en ai marre la galère. Même si j'en ai pas l'air, j'aimerais être ailleurs qu'être ici. Faire du mal, faire du malheur. Pour m'en sortir, j'suis pas temps, j'prends pas temps, j'fais un malheur. L'espère, apprends la sequestin. C'est comme dans tous les films de cache-bras. On se méfie pas assez des coups à l'ombre. Même si dans le hall, on sculpte au Posca. À certains distribuent du coca, à comme à Carrefour. C'est le seul sale qui aura 16 ans. Mais pour le fond des facts, t'évites de regarder. Le type qui pue le danger, du genre, get ma monnaie. Dis-moi c'est combien que tu pèses toi. C'est chacun sa part, du terroir, du parking. Même au tiroir, maintenant j'installe ma IA. La mère à la casse, ton gros sac, est-ce que tu dis ça. Je brise les vues de l'un, de grand, c'est le temps de grand. Dans la rue, on va, tout va. Du gage, gros, carna, à croire que les mâles, c'est réincarné. Dans la cage escalier, certes se sont canés. Un monte au ciel par le canoncier. Une bonne équipe, je me préoccupe de l'équipement de mon clan. C'est comme ça, on sort. La vie c'est dans, tout dans. Je suis à fond dedans, tout ça j'y reste prudent. Une bonne équipe, je me préoccupe de l'équipement de mon clan. C'est comme ça, on sort. La rue c'est dans, tout dans. Je suis à fond dedans, tout ça j'y reste prudent. Je kiffe ma sauce. Je kiffe ma sauce. Je mets le ma sauce, ça m'a cause. Pas de pause, des bars et des bars. Dans ma tête, j'en fais des cauchemars. Prends. C'est moi qui te prenne, d'assaut comme un chat, d'assaut. Le son émane d'Alas. Et tout le coup du bénéfice en espèce. Je représente ma sauce, la hip hop. Station, t'as dû voir. Des jeunes, la plupart des jeunes de toute cette génération. L'enfant de banlieue a déclenché des mouvements de foule furieuse. Dans les journaux, ils disent que c'est la crise des crises. Et dans ma rue, on appelle ça la crise des nerfs. Maintenant, on s'associe dans le verra, ouvre des fossés. Maintenant, on peut railler, on se farcit des rimes et des mots. Chercher plein de dynamo, c'est comme au Vietnam. Du real style, sort du stylo. Maintenant on représente les mâles du micro. Skirt, poche à flow. Dans toute bonne équipe, rouge, me préoccupe de l'équipement de mon clan. C'est comme ça on sort. La rue c'est dans, pour dans, je suis à fond et dedans. Ça j'y reste prudent. Dans toute bonne équipe, rouge, me préoccupe de l'équipement de mon clan. C'est comme ça on sort. La rue c'est dans, pour dans, je suis à fond et dedans. Ça j'y reste prudent. Les vrais flots, puis les superflus. Ainsi les super furieux qui sortent du Dallas, du coup du Bénin. Les têtes grillées, pas de gris-gris. Si t'es gris, on va se griller. Comme les soldats, les Kabila. Le monde entier se retrouve face à face. Sans aucun principe, mais si le fric. Le but des gens, c'est buter des gens. Ils en ont buté des gens au fil des siècles et des ans. Moi je trouve ça très méprisant. Tout comme mes robes qui jettent comme ça en prison. La part des choses, c'est que je veux ma part des choses. Ah si tu prends ces mots, ça serait la moindre des choses. Voilà, les flics se pointent, me pointent leur torche. Encore toi, on en a marre de toi, ok, touche pas. Oublie pas mon stage en Hong Kong. T'as affaire à Skurf, ils ont message. Le seul message que je peux faire à ceux que je considère comme mes robes. Toute bonne équipe, crew, je me préoccupe de l'équipement de mon clan. C'est comme ça, on se la rue c'est dans, pour dans, je vois fond dedans.